tu as formé des coups de tête. Aux jeunes, on donne des coups de pouce. Aux balances, on met des coups de fusil à pompe. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? C'est le 9-4. A des mots, Rinka. On sait tous que dans la vie, y'a des hauts et y'a des bas. Appelle-moi le Cell Segal, le Real Regal, vrai gars, démon. Le mec a des pompes, check, check, à des mots. J'suis taré, grave la dalle, à mon éventré. J'vis ma vie, Manhattan, et loin ma cache, j'suis loin excentré. J'vis la parle, viens vite dans ma salle. Là où j'ai le mal, nique la police et le Bayerman. Jusqu'à Tristan Stan, Smith by le gal. Viens le tapis rouge, car si le festival te canne. Pas la tête, voilà, sont venus d'ailleurs. J'fais pas la tête, quoi, voilà, mon fusil mitrailleur. Des états amenés où la rage est embarquée. Par parquet, c'est à Paname, étendardier. Vise ma pupille canaille, j'ai un public malade. T'es ma fusil galage, t'es pas que fut-il canard. Ma vie, ça a jamais été les roses, mais j'ai pas à me plaindre. J'ai les héros, les grosses paf dans ma lampe d'Aladin. Au chef, on met des coups de boule. Au plus jeune, on donne des coups de pouce. Au balance, on met des coups de fusil à pompe. On vient du sous-sol, doucement, on monte la côte. On veut des thunes pour Saint-Rome, pour brûler la côte. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? Je crame comme le quartier. Et des buts de calvitie, c'est les soucis et le calcaire. Chez nous, tout a pris. Quoi de bon à pas braquer, vente, arnaquer. Bienvenue rue de la truanderie. Et gros, y'a plus le temps, je te le dis, gars. Mes rêves sont sur mes épaules, nique les putes, le monde s'appelle Pigalle. J'écris deux spies en mode trop bizarre. Ma tête une chicha, mon cerveau fume beaucoup trop près de l'hôpital. Mais qu'on s'appliquera vitamine, style rapide, nique la flicale. On a les rêves dans du Ricard. A des mots Rinka, Rican qui t'a cramé. Pite à vous qu'on t'accrochera au Jerican. Sur ma pelouse les têtes cramées. Les pirates étant modernes on l'a fait carré dans des mirages. J'ai mis la barre haut dans ton colon. J'ai découvert l'Amérique le 11 septembre, loin d'être Christophe Colomb. Le son c'est on écoute le y'a pas de Pillman. C'est pour la mif, les frères, les pauvres, Yannis, mon refina. Peur que de Dieu, t'es qui toi pour faire style guy. A tes mots en mode nique le monde, tous ces minables. Chef, on met des coups de boule. Au plus jeune, on donne des coups de pouce. On balance, on met des coups de fusil à pompe. On vient du sous-sol, doucement, on monte la côte. On veut des thunes pour Saint-Rome, pour brûler la côte. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? Je crame comme le quartier. Et des buts de calvitie, c'est les soucis et le calcaire. Chez nous, tout a pris. Quoi de bon à pas braquer, vente, arnaquer. Bienvenue rue de la quand triandrie. J'arrive, c'est trop la merde. La haine, c'est infernal. La ferman, je mettrai jamais mon petit en internat. Hyper mal au cœur, t'es la belle, je suis la bête. J'ai la peine, j'aspire à faire mal au keuf. Alors comme ça, ils veulent le bis. Ils veulent nos chiffres. Ils veulent le shit, l'argent du shit, le gras du shit. Ils foutent la merde, mais sur la vie de mes petits frères. Que c'est parce qu'on crève que je vends du shit tout l'hiver. Ils veulent ma peau, mon pollen. On les appelle la police. Mais à poil, faut qu'ils posent sur mon poster. Ça vient des all-holsters, des all-stars, des émeutes, on le rôle de merde. Ce soir, ces choses, ça pète les buzz. Y'a pas de pisse, ça m'attraque ma gueule. Comment vivre sans maille ta gueule? Tous dans le vif, on a pas de saveur. Le son des halls, tu connais. Plus le temps de déconner. A des morines, gars, pour décoller. Ok, faut mettre des coups de boule. Au plus jeune, on donne des coups de pouce. On balance, on met des coups de fusil à pompe. On vient du sous-sol, doucement, on monte la côte. On veut des thunes pour Saint-Rome, pour brûler la côte. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? Je crame comme le quartier. Les débuts de calvitie, c'est les soucis et le calcaire. Chez nous, tout a pris. Quoi de bon à pas braquer, vente, arnaquer. Bienvenue rue de la truanderie. Au chef, on met des coups de boule. Au plus jeune, on donne des coups de pouce. On balance, on met des coups de fusil à pompe. On vient du sous-sol, doucement, on monte la côte. On veut des thunes pour Saint-Rome, pour brûler la côte. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? Je crame comme le quartier. Les débuts de calvitie, c'est les soucis et le calcaire. Chez nous, tout a pris. Quoi de bon à pas braquer, vente, arnaquer. Bienvenue rue de la truanderie. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? Je crame comme le quartier. Les débuts de calvitie, c'est les soucis et le calcaire. Chez nous, tout a pris. Quoi de bon à pas braquer, vente, arnaquer. Bienvenue rue de la truanderie.